À l'ombre de la vie, la lucidité me cogne et m'éblouit. À la recherche de fractales et de coulis de fraises, je m'oublie. À l'ombre de la vie, les anges opèrent, la conscience observe et nos âmes s'éclairent. À l'ombre de la vie, la beauté du néant jaillit. Enflammée par la vue brute et claire de que ce que je pense n'est pas ce que je suis, le néant m'apaise. Quand les problèmes apparaissent, je m'assois et vois l'illusion mécanique de ce fouillis. À l'ombre de la nuit, les images, une myriade de mensonges, une douce perception étrange, j'entends le clapotis de la pluie. Il n'y a que la vérité du moment qu'on fuit. À l'ombre de la nuit, l'ego et son masque nous trompent. L'ambition fait courir le monde en trombe. Toujours plus de bien, de reconnaissance, toujours plus de plaisir, donc de souffrance, pour pas sentir le creux de nos vies sans sens. À l'ombre de la nuit, j'écris ces lignes, je regarde mon stylo turquoise et je souris. Tout a une fin, à part l'amour pur, qu'on entend avant ou après la lumière blanche intègre. Il n'y a qu'elle. Le bien n'est qu'elle, le reste n'est que placebo, vanité et égotrip exacerbé. Il n'y a pas de sécurité, tout est frêle. À l'ombre de la nuit, allume les ombres, regarde ce qui est sombre, ne juge pas. Juste regarde et laisse partir cette ombre de la nuit. Un jour neuf de toute connaissance, cette renaissance est là depuis le début, au fond de tes tripes, de ces épines que tu portes. À l'aube du jour, tu le vis. Vivons chaque instant nos vies, mourons à chaque instant pour ressentir vraiment la vie et l'éternel vide. Ouais. Bravo. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Myriam, magnifique! Ça nous manquait tes poèmes en fait. Ah! Ouais. Merci, merci, c'est un plaisir. Entre 30 bris. L'éblouissance du problème. Oui, de problème au poème, on passe. Rapidement du problème au poème, surtout avec Dominique qui est là et qui nous amène cette dose. Tequila, Dominique est là. Dominique. Tequila, tequila. C'est quelque chose là. Dominique. Ah. Dans la musique, je vais la mettre ça. Dominique. Ah, et... Loïc, mets-toi autour de la table, comme ça tu es avec nous là, tu es trop loin. Là. Tomando, mais, tomando, tequila. Qui veut mes caleçons molletonnés? Morito tequila. Ok, on est. Ah, elle est bien. Il m'a dit. C'est à loin dans la vie. Qui l'a tequila? J'étais à l'épicerie et je suis revenu. Ouais. Il y a rien à faire d'autre dans le système. Il y a, en plus, il nous a amené, Dominique, un livre d'humour ça de Jean-Claude chaud, Carrière, ça magnifique. Chaud, ça fait le show. Qui ça fait une espèce de. Tout l'humour, le jeu de quand mots, parles, d'humour. Quand tu parles, au 20e siècle. Pas trop loin. Je peux pas lire. Celui-là qui se tait, qui l'endort. C'est lui le plus dangereux là. Je dis, je mieux. L'eau qui dort, faut se méfier. J'aimerais mieux aller hériter à la poste. Avec mes potes, avec mes gars, je te prends ta recette là. Si t'es pas content, je te brise là comme un Colombien là. Oh putain, hey, tu l'as mis dans oui, oui, oui, oui, oui. Pou, pou, pou. Là, vas-y, tu es prêt, Ringo? Et puis après, la maman de Mélina qui va. Tu vas chanter un truc? Tu vas dire une chose? Je vais pas chanter, moi. Oh, bah, tu peux parler, tu peux dire. Ouais. Bon allez, Ringo, c'est prépare pour faire un deuxième mix. Tire pas la table de mixage parce que sinon ça va non, se casser. Pas, je vais m'approcher. Et après il y a Loïc qui va nous montrer un peu sa musique. Loïc et Myriam qui vont faire un duo. Tu as une médaille? Oh. T'as gagné une médaille? Ouais, hier on a joué à sport et j'ai gagné. Wow. C'est une médaille d'or. T'as gagné plus quoi comme sport? J'en sais pas comment t'expliquer. D'accord, mais c'est bien ça. Ah allez. Ok, Ringo encore qui va nous. Morceau. S'il te plaît. Spolier, policé. Attends, ouais, vas-y. Spolier, policé. Ouais, on va taper ça. Poli, policier. Voilà. Fais d'Esther. Ancien. Naturel. Fais d'Esther en sciences naturelles. T'as combien de stères dans ta sphère? Atmosphère. Je vois si c'est Segla déjà. Ok, garde, prends pour l'instant ouais, que c'est tu. Segla. Voilà. Ok. Attends, je la mets au début. Là, mon là. Donkey James. Je vais vous chanter encore une musique de Tupac, de mon oncle. Morena, me gusta lo, Como tú soy morena, morena. Me gusta lo. Ven conmigo a mi cama. Me llámalo. Ven conmigo, ven conmigo. Bailando, bailando, bailando. Yo quiero beso toda la noche contigo, contigo. Vente míralo, que me soy tanto loco. Oh por ti yo. Ven conmigo. Bailando. Oh conmigo. Yo quiero pasarlo toda la noche contigo. Vente míralo tu cara que tú soy guapa mamacita. Me gustalo. Tu cuerpo yo. Mi cuerpo. Tanto me excitarlo. Ven conmigo de la mañana. Dame amor. Quand je te vois, ça me rend fou. Tout mon corps est chaud pour toi. Que t'as comme un aimant sur moi. Que t'étages pas bébé. Ma chambre m'appelle pour toi bébé. Viens vers moi toute la nuit. Fais-moi le show. Colle-toi comme un aimant sur moi bébé. À la Tupac, de la Westside. C'est comme ça. Depuis petit, j'adore la musique de Tupac. Alors je vais comme Tupac, dans le move, dans le Tupac. Mais mon gars, sois qu'on qui peut. Ménage-t-il, piquilo. Qu'elle me dit qu'elle va tout, mais ça, qu'on qui peut, mais s'il y a pas. Oh, bisous toutes, me dit qu'elle va tout, mais. Da jizamene, gledame. Volim šta imaš ti, da jizamene. Svaki dan, kad te gledam. Poludim. Portillo. Bailando, exit a meta de la loja di. Ça me plaît, comment tu me donnes d'amour. Me gusta lo, comment tu me llamas. Por eso, bébé, contigo. Toute ma vie, je resterai avec toi. Je ferai le tour du monde, bébé, pour toi, yeah. Ça me plaît l'amour que tu me donnes. Ça me plaît le cœur. C'est pour ça que je suis fou de toi. Tu es trop belle comme une mise, c'est pour ça que je vais être avec toi, bébé. Si tu veux du cœur, je te donnerai du cœur à vie comme un pour moi, bébé. Ça me plaît ton corps, ça me plaît ton visage de miss. Colle-toi comme un aimant, tu t'étaches pas. Ça me plaît d'être avec toi, bébé. Vente miralo. Que me gusta lo. Que soy contigo, yeah. Todo día, me esquista lo, me gusta lo como tú me llamas. Por eso, vete contigo. Todo mi vida yo, bra, de la Tupac, de la Westside, a la gringo, a la Tupac, del move, hi, po. Oui, Ringo, merci, génial, bien. Oui, alors. Vous avez déjà vu un orignal normal? C'est quoi ça? Est-ce que t'as vu un orignal? Ouais, un orignac. Un orignac. Même la voix de Barry McMonough. Tu penses quoi, Fanny, à tout ça? J'ai chanté encore une. Non, je voulais dire. Je sais pas quoi dire. Oh, c'est pas grave, on peut inventer quand on n'a pas quoi dire, on peut inventer des choses. Donc. Oui, l'orignal normal, c'est un, comme un fond. On est revenu. Ok. Ah oui, c'est un peu revenu à la normale, chef. C'est quoi ça, bien oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allô. On est tous là, réunis. Vas-y, Dune, Sophie qui arrive. Mais prenez le micro, mettez-le en casque. L'Arsène Lupin. Para, como se não me olha e repara. Te deixo com a boca torcida, cheque mate. O molejo que é sensual, é fatal. Distraído, me seduz com essa alma de bandido. Quer que é dono e eu corro perigo. Prenez le micro là, mais bon. Ouais, avec toi. Je m'appelle Sophie, chérie. Et où ton papa et ta maman? C'est parti. Ok. C'est Sophie et c'est comment s'appelle votre chronique, Sophie, déjà? Bah, aujourd'hui, on va pas parler de sexe, docteur. On va parler du harcèlement chez les adultes. Donc voilà. Parce qu'hier, je me suis pris la tête avec un mec. À mon avis, dans la cour d'école, c'était le dominant. Donc là, maintenant qu'il a 40 balais, il continue, mais je vais faire descendre de 10 étages direct. Donc voilà, et je me suis rendu compte que ça persistait encore chez les adultes maintenant. Ah oui. Voilà. Partout, tout le temps. Il y a des gars, ils se croient dans la cour d'école, ils se permettent de chier sur les gens. Ils pensent que les gens vont peut-être pas répondre. Donc voilà, c'était ça. Bon, moi, je réponds, je m'en ouf, hein, donc voilà. Quitte à y laisser des plumes, je m'en fous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres? Et toc. Dominique, tu penses quoi de ça? Myriam? Tout le monde, oui, allez-y, tous les micros sont ouverts. C'était toujours les mêmes qui avaient du rab à la cantine quand j'étais en maternelle. La pintade à détox. T'en penses quoi? Non. Vas-y, Myriam, t'en penses quoi? Du harcèlement? Ouais, ce que je viens de dire, tout ça, ce qu'on s'est dit... Alors, ce que je pense du harcèlement, c'est que ben, malheureusement, tant que les humains auront un ego, ben, ils vont toujours chercher à descendre l'autre pour se sentir exister, en fait. C'est des gens, ils ont besoin de dominer les gens pour se sentir exister, malheureusement, et c'est triste, en fait. Mais c'est l'ego. Moi, je pense spirituellement que c'est tout ça est lié à l'ego humain, en fait. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc qui était important. Tu as dit que tant qu'il y aura des gens pour valider ce qu'ils disent... Ça sera sans fin. Je disais surtout qu'en gros, tant que les gens regarderont les gens mal agir et ne feront rien, c'est-à-dire il y a plein de gens qui se font harceler, comme tu disais, dans les cours d'école ou même au travail ou même dans la rue, et les autres, ils réagissent même pas, en fait. Réagissent même pas. Mais tu sais, Myriam, tu sais que des fois, quand je prends les transports, j'arrive à deviner au comportement de certaines personnes qui étaient harcelées à l'école ou pas. C'est impressionnant, ça les poursuit, hein. Même des personnes qui ont des hautes responsabilités, ils se font bouffer par les gens avec qui ils bossent, quoi. Donc voilà, il y a des gens dans les transports ou au supermarché, ils les observent, ils n'osent pas avancer, ou ils sont assez timides, ou ils sont réservés. Et je me dis, eux, ils se faisaient niquer la gueule à l'école, sauf que ça continue. Moi, c'est dommage. Je comprends tout à fait, parce que moi, j'ai mon copain... qui a subi des harcèlements et des on a essayé de le frapper et tout à plusieurs reprises, et maintenant il a peur de sortir dehors. Voilà. Il a peur de sortir dehors la nuit, il n'arrive plus à vivre, et ça me fait beaucoup de peine, en fait, pour lui, parce que c'est triste, en fait. C'est ton copain ou c'est ton ami? Non, c'est mon copain. On en a de la chance, hein. Et tu comment vous faites quand il veut faire les courses et tout? En fait, la journée, ça va, mais c'est surtout le soir. Parce que c'est vrai que la violence est plus intense le soir, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, par exemple, je sais pas si vous voyez Elon Musk. Oui. Elon Musk, lui, il s'est fait harceler quand il était petit, et il est devenu très dominant. Après, il y a des gens, ils se font harceler petits, ils deviennent des harceleurs. Ils deviennent le bourreau. Voilà. Ouais. Mais Elon Musk est bourreau, ouais. Un petit peu, quand même. Enfin, il a voulu... En fait, il s'est fait tellement descendre quand il était petit qu'il voulait être le roi du monde et aller sur Mars, quoi. Tu penses que c'est faisable? Lui, il a essayé, justement. Ouais. Mais tu sais que j'aime bien ce type, même si c'est un connard de première. Il est perché. Ouais. Moi, et c'est vrai qu'il a des déclarations misogynes ou assez violentes. Alors, les gens qui bossaient pour lui se plaignent. Donc voilà, mais comme tu dis, quand on a un certain niveau, et t'es perché. Des fois, tu te rends pas compte que tu fais chier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est ça. Mais je pense que je pourrais bosser pour lui, je m'en fous. Je sais que là, récemment, il a comment du moment que j'ai des médocs pour tenir, il n'y a pas de problème. Il n'a pas accepté. Lui, il doit en prendre, par contre, des médocs. Ouais, vas-y. Ouais, il prend beaucoup de drogue. Mais il n'a pas accepté sa fille, parce que sa fille est devenue un mec. Ouais, mais c'est pas son seul enfant qu'il accepte pas. Hein. Il a des enfants même non déclarés, je crois. Ouais, mais ça, il a pas accepté le fait que sa fille voulait devenir un homme, quoi. Elle est devenue? Ou elle a pris des... Ouais, elle a commencé. Elle a commencé? Ouais. Du coup, il est pas... Et ça a donné tolérant, quoi en fait. Je sais pas, mais il est pas très tolérant, c'est ce que je me dis, quoi. Mais moi, je... Ouais. Il est un peu, c'est un peu un vieux réac, quoi. Ouais. Il réagit un peu comme nos vieux oncles. Pourtant, on dirait il pas. Il met les gens dans des cases, machin. On dirait pas quand on le voit fumer des joints sur Twitter et tout. On dirait que, je sais pas, qu'il est. Mais ça se trouve, il a des rapports conflictuels avec sa fille. Ça se trouve, il s'en fout, il fait ça pour la faire chier. Ouais, c'est possible. Mais je pense aussi quand on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de contrôle aussi. On veut du contrôle c'est vrai. Sur les autres. Moi, je sais que j'aurais voulu me transformer en mec. Mon grand-père, il m'aurait achevé, quoi. Donc, il l'aurait pas accepté du tout. Après, ça dépend comment elle a été éduquée. Mais t'aurais préféré être un homme, alors ? Non. Ok. Donc, mais non, comme on parle de ça, voilà. Moi, je sais que mon grand-père, il m'aurait achevé. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouais, ça doit être un vieux con, quoi. Mais imagine-toi, ton fils, il veut être une fille. Ouais. Tu dirais oui ? Bah, ça me dérange pas. C'est lourd, hein, le traitement, les hormones, hein. Si c'est vraiment ce qu'il a envie... Faut enlever là, faut machin, c'est hoche, hein. C'est vrai. Mais après, c'est des gens, ils se sentent pas... Un enfant, j'ai donné de la mort subite. Mais la transformation de sa fille, ça s'est bien fait ou pas ? Bah, petit à petit. Mais en tout cas, elle a eu de la force parce qu'elle a décidé de dire adieu à tout l'argent de son père pour pouvoir être libre. Ah ouais. Il y avait une copine qui jetait dans l'eau, mais elle coule pas. Ils sont baisés tous les deux. Je pense que même si elle serait pas transformée, peut-être ils auraient pas réussi à vraiment s'entendre. Peut-être. Peut-être qu'elle aurait pas aimé son mec ou je sais pas quoi. Mais c'est dur d'être une fille à papa, hein. Ça doit être une fille à papa. Comment tu fais ? On a un manger de la baba papa. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, oh ouais. C'est pour ça que je te dis, oh, mon grand-père, il aurait pas accepté. Hein. Même j'aurais ramené un 20 sur 20, il aurait dit, bah moi j'ai fait la guerre. Hein. Donc, tu sais, ils font chier quoi. Ils font chier nos darons, ils sont emmerdants. Mais oui. Oui. Ton copain a beaucoup de chance de t'avoir. Merci, c'est gentil. Parce qu'il y a des meufs, elles sont pas aussi compréhensibles. Au micro, Dominique, au micro. Elles s'en foutent. Ah, docteur Serra, vous venez vous faire ausculter ? Oh. Elles auraient eu ton copain, elles s'en seraient pas occupées. Hein. Elles l'auraient manipulé, elles auraient tiré ce qui a tiré, elles l'auraient laissé dans sa merde. Toi, t'en prends soin. Bah, ouais, c'est normal. Moi, je trouve ça normal. Après, malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple par intérêt, malheureusement, maintenant. Ouais. Même ma mère, elle me disait, pourquoi t'es avec ton copain ? Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Bah, je lui ai dit, bah, il m'aime, il prend soin de moi. C'est censé être ça, l'amour. Mais elle me disait, bah, non, il doit t'apporter quelque chose, il doit faire quelque chose. Pour moi, on doit tous s'apporter à soi-même, en fait. On n'a pas, à rechercher chez quelqu'un de nous sauver ou de nous aider. On doit s'aider soi-même, quoi. On ne doit pas compter sur son partenaire. C'est clair. Sinon, mais ta mère, peut-être, avec ton père, ça ne collait pas. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit ça. Je sais pas, non, je pense que la plupart des gens, malheureusement, sont en couple par intérêt. Hein. Ouais. C'est triste. Ouais, ça dépend. Des fois, je les envie parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont pas tout seuls. Mais des fois, non, je les envie pas. Bah, c'est pas facile. Voilà. Les jours, hein. Les deux sont pas faciles, je pense. Bah ouais, c'est pas facile. En plus de ça, quand t'es une femme seule, c'est encore plus difficile. Hein. Surtout en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de prince charmant. Donc voilà, donc je me dis des fois... Je devrais faire comme les autres filles, comme les autres femmes me mettent avec un gars par intérêt, comme ça je vais, ça va péter la solitude. Mais j'y arrive pas. Hein. Ils me font chier, quoi. Non, mais c'est bien, ça veut dire que t'es, trop... t'es vrai, quoi. Que je suis vrai. Ouais, mais je sais pas si ça m'aide des fois. Hein. Pour moi, c'est mieux d'être vrai. Hein. Ouais. Mais malgré comment elle est, il faut l'accepter. Même qu'est-ce que je fais ? Je balance une vanne et dans ce cas-là, il gueule pendant 5 minutes ou je laisse passer ? Pas gueuler là. Et t'as des sous, chérie ? Mais même si j'aurais des sous, je ne vais pas produire une femme, c'est là qu'elle va en profiter. T'as des sous, moi, chérie ? Voilà. Au revoir, direct. Ok. Moi, j'ai on va à l'hôtel. Personne. Un hôtel 6 étoiles, chérie. T'imagines, Sophie, dans un hôtel 6 étoiles avec toi ? Tu crois que c'est le 7 ? C'est le. Oui, 6 oui, non. Là, on parle d'amusement. Le sexe, je peux en avoir. Je prends le premier connard qui passe, on va aux toilettes. Je te parle d'amusement. Que ça ? Target. T'es bah, jamais amusé, Rigo, tu t'es jamais amusé. Je t'ai dit 10 000 fois, donc toi, t'épanouis dans le chaos. T'es comme mon cousin. T'es casse-couille, mec. Non, je suis pas comme ton cousin. Si, tu t'épanouis dans le chaos. Si t'es pas malheureux, t'es pas content. T'es pharaon, mon gars. Voilà. Oui, mais c'est comme ça. La centrale nucléaire. C'est ton opium, qu'est-ce que tu veux ? T'es comme ça maintenant. Ils sont trop rusés. Moi je suis superficielle, toi faut que tu sois malheureux, c'est voilà, comme ça. Hein. Est moi je suis superficielle, moi. Trucs, là, tu dis n'importe quoi. Moi je suis une casse-couille. Moi je suis superficielle, faut que j'ai du vernis. Ça, il faut que mes notes soient faites. Écoute, toi faut que tu casses les couilles. T'es un fouteur de merde, non. Assume au moins. Là, tu peux revenir. Voilà, c'est bon, c'est oui, dit. Mais pas moi, là, ça devient la télé-réalité, là. C'est dit, c'est dit. Bon, t'es un fouteur est, de merde, chérie. Et Dominique, tu penses quoi, mon colonel? Assume-le, c'est tout. Attention, Dominique, à la parole. Elle, elle est féministe, toi, t'es un fouteur de merde. Assume-le, c'est tout. Écoute-moi bien. Dominique. Arrête de dire des conneries. Je sais plus quoi dire, maintenant. Bah tu bon. Peux, tu peux, t'es Dieu toi pour savoir les gens. T'es pas Dieu. Mais c'est bouge, on dirait de Saint-Martin sur son passé allemand. Je vais faire allemand. Du nu artistique. Yves Saint-Laurent sur le Robert Mann. On est sur Metanoia. Il y a une discussion en off. Le cœur qui compte, c'est pas les sous qui comptent. Toi, t'es un fouteur de merde, assume. Elle, c'est une féministe. Elle, elle ferait pas du artistique. Toi, tu donnes ça. C'est vrai. Mais pour les anciennes, c'est une femme objet. J'ai discuté avec des nanas de mon âge, elles m'ont traité de femme objet. Mais oui. Fermez vos fenêtres. Deuxième signal. Mais oui, quand les hommes me regardent, quand ils vont se coucher, ils pensent à moi. Je aujourd'hui, mon grand-père m'a niqué la gueule. Ça m'a fait du bien de le dire. Bon, il y a, notre chroniqueur de la gastrosophie qui arrive là, qui va nous parler un peu des choses donc nourrissantes. Est-ce que vous me laissez parler 5 minutes? Ouais, écoutez, on écoute Ringo. Attention, attention, on a changé de sujet. Alors, en hommage à la belle dispute, je Ringo, s'il vous plaît, j'aimerais parler aujourd'hui des repas en bonne compagnie. Ça change le goût, ça change l'atmosphère, ça change même la nature de l'aliment. Ça change. Et je pense que c'est bien de varier les plaisirs, c'est-à-dire que manger avec maman, ou avec son frère, ou avec son ami d'enfance, c'est une bonne chose. Manger avec une copine ou un copain avec qui il y a peut-être un lendemain, c'est aussi une bonne chose. Manger avec son meilleur ami, c'est très très bien. Manger avec des inconnus dans une cantine alors qu'on est en voyage, c'est l'aventure. Et en général, ce sont des choses simples, nourrissantes, jamais exceptionnelles, jamais mauvaises. Donc je pense qu'il faut savoir partager un repas. Et si on ne mange pas? Et si on ne mange pas, c'est la présence. Vous voyez, la présence des autres sont nourrissantes. La présence d'un autre est nourrissante. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu lorsque j'étais lycéenne, que j'ai adoré, de Maupassant. Ah. Boule de suif. Boule de suif. Vous l'avez lu? Non, je ne l'ai pas lu. C'est magnifique. Je ne suis pas fan de Maupassant. Moi, j'aime beaucoup. C'est très descriptif, hein, Maupassant. Oui. Vraiment, des pages et des pages de description. C'est l'histoire d'une courtisane qui adore manger, qui mange tout. Et dans les descriptions de l'ouvrage, il y a des pages et des pages sur la nourriture. Sur les saucisses, la crème, les potages, les légumes, tout. Et on l'appelle boule de suif parce qu'elle est ronde. Et qu'elle est très très ronde. Et en fait, on se moque d'elle. Dans la bonne société, elle était bonne, c'était une bonne. Et en fait, l'histoire de ce livre, en fait, c'était la discrimination sur les gros. Aujourd'hui, on pourrait dire la grossophobie. Et boule de suif, en fait, elle était chagrinée parce qu'on se moquait d'elle, alors qu'elle partageait justement, comme vous disiez, sa nourriture, parce qu'elle aimait partager en fait tout ce qu'elle avait préparé. Très très bien. Donc j'accompagne quelqu'un en thérapie qui est en train de faire un film sur la grossophobie. Donc je vais lui transmettre cette indication. Boule de suif. Boule de suif de Maupassant. Très beau livre. Très très bien. Voilà. Comme Karl Lagerfeld. Voilà. Donc nourrissons-nous de vin, de poésie, de vertu. Tim Karl Lagerfeld. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pourri là, j'avoue. Chaque vertu a son détail. Chaque vertu a son détail. Oui, bonjour. La vertu, l'alcool dénie la langue de notre vertu. Merci. Bienvenue. Chaque aliment a une vertu. Qui trouvera, madame. Qui ne tue pas. Bah oui, docteur. Et certains vices sont véritablement des vertus inversées. Bonsoir, merci. C'est-à-dire, docteur, c'est-à-dire, c'est quoi les vices inversés? Ce sont des vertus. C'est-à-dire... Ce sont des habitudes. Bon, comme comme, je sais pas. Comme se promener le matin ou se prendre une douche froide. Non, c'est une vertu, c'est une habitude. Une douche froide. On va aller chercher sur l'addition. Alors là, c'est impossible pour moi de prendre une douche froide pour la fille du désert que je suis. Prendre une douche. Alors s'il fait très très chaud, c'est la canicule. Ça, oui. Ouais, bon, on est sur Metanoia. On est arrivé à terme, on se fait voir. Là, dans 15 jours, live, la semaine prochaine, c'est une séance déjà enregistrée auparavant. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est super, hein. Ah, c'est super, hein. Ah, c'est super, hein.